Bonjour. Choup-choup. Éducation populaire. Transformation sociale. Pouvoir d'agir. Rapport de domination. Transformation écologique. Casser les étiquettes. En Méditerranée. Ici et ailleurs. Créer du doute. Rendre du conflit. Sortir des évidences. Éthique, posture. La question de la terre. L'individu et le groupe. Lutter contre les discriminations, les chacun de son cotisme. Garder les étincelles. Des clics. De l'utopie collective. Un peu de why partout. Ouais, mais pour le why. Merci.